Les maladies cardiovasculaires sont la cause de mortalité chez les femmes et la seconde chez les hommes, soit 400 jours. Pourtant, la plupart pourraient être évitées en osant prendre la santé de notre cœur en main. Alors participons au Parcours du cœur de la Fédération française de cardiologie. Du 1er avril au 30 juin, les Parcours du cœur sont organisés partout en France pour s'informer, se bouger et donner envie de prendre chaque jour soin de son cœur. Car un cœur qui va, c'est la vie qui bat. Retrouvez les Parcours du cœur sur fedecardio.org. Affaire sensible, la fiction, cette semaine 22 millions, inspirée de l'affaire Big Malion. Une série en 6 épisodes, écrite par Vincent Hazard, réalisée par Baptiste Guiton, coordination Christophe Barrère. Aujourd'hui, le premier épisode de cette série nous renvoie en mars 2014. Après l'apparition d'un article dans la presse accusant Jean-François Copé et la société Big Malion de malversation et d'escroquerie, le procureur François Molins ouvre une enquête préliminaire. Big Malion, c'est le nom d'un dossier au parfum de scandale qui a tué un parti politique, l'UMP, devenu depuis les Républicains. Mais derrière cette nouvelle vitrine, le passé est là, et bien là. UMP, cachez-moi ces trois lettres que je ne saurais voir, disent ceux qui ont appartenu à cette formation politique, tant cette enseigne évoque immanquablement des temps malheureux qui débutèrent un jour de mai 2014. En direct à la télé, les Français découvrent alors une escroquerie présumée de financement de campagne électorale. Et le mot qui fâche, c'est Big Malion, donc. Du nom d'une agence de communication en charge de l'organisation des meetings de la campagne présidentielle de 2012, à laquelle l'UMP aurait payé une partie des prestations via les comptes du parti, en dehors de ceux de la campagne. Et le problème est bien là, d'autant que la note s'élèverait à près de 20 millions d'euros. Big Malion, c'est également le nom d'une chute politique, celle de Jean-François Copé et de ses collaborateurs qui ont fini par le pousser vers la sortie. D'ailleurs, Copé savait-il? Où a-t-il découvert les imprudences de ses fidèles lieutenants? Et le candidat Nicolas Sarkozy était-il au courant? S'intéressait-il à l'intendance de sa campagne? Ces questions sont restées pour l'instant sans réponse. L'enquête s'est déroulée, le procès a eu lieu, et 10 ans après la présidentielle de 2012, 14 inculpés, dont Nicolas Sarkozy, ont été condamnés dans ce qu'on appelle l'affaire Big Malion, que vous allez donc découvrir dans notre série. Après le premier épisode, nous recevrons 2 personnes, la journaliste Violette Lazare et le scénariste Vincent Hazard. Violette Lazare est à l'origine des révélations du système de fausses factures de l'UMP dans les pages de Libération. Elle est aujourd'hui l'une des plumes du Nouvel Obs, où elle s'occupe des affaires politico-financières et du grand banditisme. Elle est également l'auteur du livre « Big Magouille », paru chez Stock en octobre 2014, et pour lequel elle a rencontré la plupart des protagonistes de cette affaire. Invité également, Vincent Hazard, le scénariste de cette fiction très largement inspirée du réel. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Écrit par Vincent Hazard. Musique originale, Sébastien Quincé. Une réalisation radiophonique de Baptiste Guiton. Premier épisode, les Copé Boys. Florence, vous venez dans mon bureau? Il faut que je vous parle. Ça fait 1 an que je suis arrivée à l'OCLIF. L'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. Ils auraient pu trouver un meilleur nom. La BRI, le RAID, ça claque. OCLIF, c'est imprononçable. Fermez derrière vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème avec une de mes procédures? Non. Gabriel a trop de dossiers. Je vais devoir vous confier une affaire. Merci, chef. Tenez, lisez ça rapidement. Le procureur va vous recevoir. D'accord. C'est du politique, escroquerie à l'UMP. Il va y avoir de la presse, des personnalités, alors il va falloir bien présenter, d'accord? Oui, bien sûr. Non, mais je veux dire qu'il faudra aussi prévoir de s'habiller. Vous allez représenter l'institution. C'est-à-dire? Non, mais vous voyez ce que je veux dire, Florence. Il faudra s'habiller un peu classe, un tailleur, je ne sais pas, moi. Et ne pas jurer comme un charretier, d'accord? Oui. D'accord. Allez, filez. Merci. C'est sûr qu'on me voit plus souvent en jean basket qu'en tailleur et escarpins. Moi, je viens du terrain, d'un service d'investigation de province. Au commissariat, on recevait des petites vieilles qui s'étaient fait arnaquer avec des histoires glauques. Et les interpelles se faisaient souvent le doigt sur la gâchette. Avec la délinquance en col blanc, c'est pas pareil. C'est les mêmes procédures, mais tout le monde reste toujours très poli. Il a fallu changer ses habitudes. Y a-t-il un système copé et ses amis en ont-ils profité? Toute la presse en parle depuis hier et le président de l'UMP passe son temps à se justifier. Le Point n'y va pas par quatre chemins. Il dénonce la petite entreprise qui a ruiné le parti. Et cette entreprise, c'est la société Big Malion, dirigée par un picard, Bastien Millau. Lui répond que tout est faux. La presse les surnomme les Copé Boys. Bastien Millau, je suis pas branché politique, se retrouve au même si j'ai eu ma promotion grâce à des politiciens. Après l'affaire Cahuzac, François Hollande a voulu montrer qu'il ne magouillait pas comme son ministre, qu'il était clean. Alors il a créé le parquet national financier. Ils ont renforcé les effectifs de la brigade financière et du coup j'ai postulé, j'ai été prise et je suis passée lieutenant. Bonjour monsieur le procureur. Bonjour. Je suis désolé, mon bureau est un peu en désordre. Installez-vous. Nicolas Baietto, procureur adjoint. Vous voulez un café? Non, ça va, merci. Merci. Le procureur Molins m'a confié l'ouverture de l'instruction de l'affaire dite Big Malion. Big Malion étant le nom de l'agence de communication de l'UMP qui, avec sa filiale événementielle Events and Company, aurait surfacturé des prestations à l'UMP. Vous avez vu passer l'article du Point? Oui. Les journalistes affirment que Big Malion surfacture et détourne de l'argent de l'UMP pour leur compte et celui du président du parti, Jean-François Copé. C'est ça. Il y a des soupçons d'escroquerie et abus de confiance. Voilà le dossier. C'est Florence qui dirigera l'enquête. Merci. Ah, d'accord. Très bien. Vous pensez qu'on va pouvoir perquisitionner rapidement? On va essayer. C'est sûr qu'il faut agir rapidement avant que les archives disparaissent et rester le plus discret possible. Jean-François Copé est une personnalité. L'affaire est sensible. Je compte sur vous pour sécuriser tous nos échanges. Comptez sur nous. Il n'y aura pas de fuite. On travaille en groupe. 6 enquêteurs avec un commandant et un adjoint. En l'occurrence, l'adjointe de Gabriel, c'est moi. Tu sais, Gabriel, je tiens pas à ce que ça se passe mal entre nous. Donc si t'es pas à l'aise, je te laisse prendre la main. Non, c'est toi qui gères. De toute façon, j'ai pas le temps de m'occuper de cette petite affaire. Ok. Je me demande pourquoi c'est pas le parquet financier qui s'en charge. Pourquoi le parquet de Paris? Au parquet de Paris, ça a plus quoi inventer pour montrer qu'ils existent et peuvent toujours s'occuper des affaires financières. Enfin, t'emballe pas. L'enquête sera abandonnée d'ici quelques semaines, une fois que vous aurez montré que tout est bidon. C'est sûrement une simple rumeur lancée pour déstabiliser Jean-François Copé. Ouais, sûrement. C'est marrant, quand même. Quoi? Que ce soit François Molins qui ouvre cette enquête. Ah bon? Pourquoi? Tu connais rien, la politique, toi. Non, pas trop. Va falloir t'y mettre. François Molins est l'ancien directeur de cabinet de Michel Alliomarie. Et alors? Et alors, il est de droite, recasé procureur de Paris par Sarkozy avant l'élection de 2012. Même que ça avait fait du bruit parce qu'Hollande avait accusé Sarko de placer ses hommes au parquet pour se protéger des poursuites. Et là, Molins ouvre une enquête visant Copé, un homme politique de droite. Bah, il fait juste son taf, non? Ouais. Les temps changent, finalement. Gabriel connaît le boulot. Mais s'il y a un truc que j'ai appris dans mes années en commissariat, c'est qu'il ne faut jamais se fier aux apparences. Toujours blinder ses procédures. Parce qu'une affaire, ça peut démarrer par un chien écrasé et finir en affaire d'État. Nanterre, direction de l'Office anticorruption, salle commune. Félicitations, Flo, pour ta première affaire. Merci. C'est du politique? Ouais. Non, enfin, c'est un petit truc dans lequel il n'y aura pas de poursuite. Hein. Mais c'est bien pour un premier dossier. Ah, si c'est du politique, tu vas t'amuser. Les mecs, en ce moment, ils se croient dans les affranchis. Non, oh, pourquoi tu dis ça? Bon, en vrai, je rigole, mais il nous arrive un sale coup sur une affaire politique. Hier, une de nos écoutes a grillé. Oh ouais, merde, c'est toujours chiant, ça. Ouais. Bon, je vous dis pas c'est qui, mais c'est un gros poisson. Le gars, il avait pris un téléphone sous un faux nom pour appeler ses complices, dont son avocat qui devait l'aider à corrompre des magistrats. Tu vois le délire? Bon, on a réussi à récupérer son numéro parce que cet idiot l'a utilisé pour appeler sa femme. Bref, on était sur le point d'avoir le flag de corruption quand bim, hier au téléphone, il dit bien fort qu'il a changé d'avis. Il a été prévenu. Donc vous savez qui a bavé ? Non, mais quand tu traites des affaires politiques, maintenant, ça fait de plus en plus gaffe. Ah ouais, c'est clair. Bismuth. Quoi ? Le politicien qu'on suit et qui se croit dans les affranchis. Il a pris Paul Bismuth comme nom pour son téléphone. C'est chelou, non ? Siège de l'UMP, Paris, 3 mars 2014. C'est bon, monsieur Copé, vous allez pouvoir y aller. C'est dingue cette histoire, Jérôme. On n'a rien fait. Vous croyez que c'est une bonne idée de faire venir les journalistes? C'est comme si on se montrait coupable. Jean-François, c'est le meilleur moyen pour que votre honneur soit lavé. Mais on ne peut même pas faire ce qu'on va annoncer. Mais croyez-moi, c'est pas grave. L'important, c'est de montrer que vous voulez coopérer. Que vous allez tout mettre sur la table. C'est un coup de Fillon ou de Sarko. Ils ont peur de moi. Oui, c'est probable. Mais là, tout de suite, il faut rester calme. Et surtout, n'incriminer personne. Oui, bien sûr. Il faut y aller. Si on veut passer en direct, il faut le faire avant le journal de 17h. Les affaires que l'on traite intéressent souvent les journalistes. Et certains mis en cause savent très bien communiquer dans les médias. Et c'est pourquoi j'ai décidé de mettre l'ensemble de la comptabilité de l'UMP sous scellé et de publier l'ensemble des pièces comptables depuis 2007. Sous réserve que tous les partis politiques fassent de même. À titre personnel, je constate que ces accusations calomnieuses tombent à 3 semaines des élections municipales. Nous avons affaire à une manœuvre politique visant à me salir, ainsi que le parti que je dirige. Sachez que nous ne nous laisserons pas faire et que nous prouverons sans délai qu'il s'agit de calomnie. Merci à vous. S'il vous plaît, pas tous en même temps, allez-y. Monsieur Copé, pensez-vous vraiment que les autres partis vont publier leurs comptes ? Oui, je l'espère. Comme cela, nous aurons la plus grande transparence. Mais comment ferez-vous pour préserver la clause d'anonymat de vos donateurs qui ne souhaiteront pas être nommés ? Nous le ferons. Mais il faut d'abord voter l'adoption de 2 propositions de loi que l'on déposera dès la reprise des travaux parlementaires, d'ici un mois. Merci à vous, merci à vous. Jean-François Copé est intelligent. C'est un énarque. Spécialiste de la gestion publique, il connaît la loi. Ce qui peut ou ne peut pas être fait. Il ne pourra pas publier les comptes complets, il le sait. C'est pour ça que l'on va demander l'autorisation de perquisitionner l'UMP et Big Malion, sans leur assentiment, selon l'article 76. Juste au cas où ils ne soient pas vraiment prêts à collaborer. Alors, tu as des choses ? Ouais, j'ai contacté les impôts pour obtenir les déclarations, et Big Malion a eu un contrôle fiscal en 2013. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. En attendant de recevoir les docs, j'ai regardé les données publiques, et je viens de finir Copé. Et là ? Il n'a pas en train de vie démesurée. Hein. La haute autorité de transparence de la vie publique n'a rien relevé sur sa déclaration. Moi non plus. Alors par contre, il s'est marié en décembre 2011 à Paris. Un truc assez classe apparemment. Et parmi les invités, il y avait les patrons de Big Malion. Et comme c'était juste avant qu'il récupère le marché de la campagne présidentielle... Il s'est mérité de mettre son nez dans les dépenses du mariage. Hein. Il y a peut-être eu des petits cadeaux pour remercier des contrats donnés à l'UMP ou sur la campagne. Ouais, exactement, je vais regarder. Il y a un truc qui peut servir à détourner de l'argent, surtout en politique. Est-ce que tu sais si Copé a son propre micro-parti ? Alors ouais, il en a un, ça s'appelle Génération France, une association avec très peu d'adhérents, il s'y passe pas grand-chose. Hein. Mais justement, une coquille vide peut servir de plateforme pour des rétro-commissions. Regarde si le micro-parti a un lien quelconque avec Big Malion. Ah ok, d'accord, je vais voir ça. C'est toujours bizarre les débuts d'enquête en corruption. On démarre avec rien. Pas de plainte, pas de victime. Personne ne vient pleurer dans notre bureau. Avant même d'enquêter pour retrouver les coupables, il faut déjà prouver que l'infraction existe. En fait, c'est nous qui finançons les partis politiques ? Bah oui. Bah, je croyais que c'était surtout des dons de militants, mais putain, on verse plus de 60 millions d'euros d'aide aux partis. Oui, mais même les dons aux partis sont déductibles des impôts. Et tout ça, c'est de l'argent public qui ne revient pas dans les caisses de l'État. Donc les détournements de l'argent de l'UMP sont en grande partie des détournements de fonds publics. Notre argent, quoi. Indirectement, oui. Dans les affaires de corruption politique, le plus souvent, la victime, c'est nous tous. Quand on y réfléchit, que des personnalités publiques, des gens éduqués qui ont de l'argent, se retrouvent à piquer dans la caisse commune, je trouve ça tellement indécent. Je comprends pourquoi les gens n'ont plus de respect pour les élites. Intersoir. Alain Passerelle. Patrick de Carolis est depuis plusieurs mois dans le collimateur du juge Van Ruymbeek. L'ancien PDG de France Télévisions a aussi été mis en cause dans les colonnes du Canard Enchaîné il y a quelques mois pour une série de contrats signés avec l'actuelle direction de la maison qu'il présida. Cette fois, le créateur des Racines et des Ailes va devoir s'expliquer devant la justice. Bonsoir Sarah Guibaudeau. Bonsoir. Il a été mis en examen récemment pour favoritisme. Oui, dans le collimateur plus précisément, 1,2 million d'euros de contrats signés entre 2008 et 2012 entre France Télévisions et la société de communication Big Malion, la même qui fait l'objet d'une enquête préliminaire pour d'éventuelles surfacturations à l'UMP, comme l'avait révélé Le Point. Parquet de Paris, bureau du juge Baietto. On dirait que Big Malion cumule les problèmes. Oui, monsieur le procureur, ça commence à faire beaucoup. C'est le parquet financier qui s'occupe de l'affaire Big Malion avec France TV. Ils vont partager des infos. J'ai déjà demandé aux collègues de partager les infos côté policier. D'après le dossier, Bastien Millot, le patron de Big Malion et ami de Jean-François Copé, travaillait à la direction de France Télévisions il y a quelques années. Avant de quitter France Télé, il a fondé Big Malion et s'est assuré de récupérer des contrats sans être mis en concurrence. De Carolis l'aurait aidé, aurait touché une commission au passage. Et du côté de Copé et de l'UMP ? Ben, pour l'instant, rien de concret. Mais pour moi, il y a quelque chose qui colle pas chez Big Malion. Je ne comprends pas comment fonctionne cette société. C'est-à-dire ? Quand j'épluche leurs comptes, je trouve qu'ils facturent des sommes très importantes, ils ont des clients prestigieux qui leur passent de grosses commandes, mais ils font quasiment aucun bénéfice. C'est peut-être parce que, justement, une partie de l'argent est détournée. Non, ils ont des lignes de dépenses énormes, en fait. Ils ont réellement besoin de tout cet argent pour faire tourner la boîte. Vous êtes sûr ? Leurs locaux leur coûtent très cher et ils ont une masse salariale démesurée par rapport à la taille de la société. Par exemple, ils ont absorbé une autre entreprise il y a quelques mois et ils ont gardé une partie du personnel, avec beaucoup de doublons. Là où avant, il y avait une personne à l'accueil, aujourd'hui, elles sont trois pour faire le même boulot. Donc cette boîte est mal gérée ? Ben, c'est ce que je dirais. Bon, faites-moi un rapport et on va faire une demande de perquisition au juge des libertés. Tout est déjà prêt. Je rentre et je vous l'envoie. Merci. Lieutenant ? Oui. C'est un bon début. Merci, monsieur le procureur. Ouais, il veut plus chaud. Tu sens que c'est insultant, ce que tu me dis ? Je crois pas simplement qu'il pense que je m'en sors bien ? Ah ben si, mais je te dis qu'il veut plus chaud quand même. Je les connais, les mecs. Hein. Attends, c'est le proc adjoint. Une flic de terrain mignonne comme toi, ça l'excite, c'est clair. C'est mieux que toutes ces greffières qu'il a pu se taper dans sa vie. Hein. C'est que t'es vraiment con quand t'es jaloux. Ah, mais je suis pas jaloux. Bon, raconte-moi plutôt comment ça se passe pour toi. Ça va. Au commissariat ? C'est un peu la routine. Mm-hmm. On a fait une belle prise la semaine dernière. On a réussi un flag sur la cité Berlioz. Une belle saisie, de la beuh, de la coke. Du coup, on a pu coffrer quelques mecs. Bah, c'est bien ça. Ouais. Et à part ça ? Rien. Ça va, toi ? Tu vas te trouver quelqu'un d'autre ? Et toi ? Peut-être. Ouais, bah moi aussi, alors. Ok. Bon, c'est tout ce que tu trouves à me dire ? Tu veux qu'on se reparle et toi, tu me racontes rien ? Bah toi non plus, hein. Bah oui, mais moi, j'ai pas grand-chose d'autre à raconter, à part l'affaire. Mais ça, je peux pas. Donc, ouais, super. Bravo la confiance. Quoi, tu sais très bien que sur ce genre d'affaires, ça fuite de partout. Pff, mais attends, de quoi tu parles ? À qui j'en parlerai, moi ? Tu sais quoi ? Tu me prends la tête. Je sais pas pour qui tu te prends, là, depuis que t'es à Paris, mais va te faire foutre. Mais toi, va te faire foutre ? Fais chier. Limoges, entre les mains de la gauche depuis 1912, la ville a basculé à droite hier soir. Des images de victoire, symbole de la déferlante bleue qui a recouvert la France. 155 villes de plus de 9000 habitants sont désormais entre les mains de l'UMP et de l'UDI, avec les prises notamment de Toulouse, Angers ou encore Saint-Étienne. Paris, siège de l'UMP. Nous connaissons aujourd'hui notre première grande victoire électorale depuis la défaite présidentielle de 2012. Nous redevenons le premier parti politique de France. En tant que président de l'UMP, je ne peux que me féliciter de cette belle victoire qui légitimise la stratégie que nous avons mise en place depuis maintenant de nombreux mois. Merci à vous. Merci. Direction de l'Office anticorruption, Nanterre, 30 mars 2014. Tiens Flo, t'as encore du courrier du parquet. Décidément, t'es populaire toi en ce moment. Arrête, tu parles. Ce sont les lettres anonymes que reçoit le procureur. Il renvoie tout pour pas l'autruer. Limite, je suis sa secrétaire, là, vu tout ce qu'il reçoit. Des insultes ? Non. Là, c'est une lettre de dénonciation. Cher monsieur le procureur, j'ai appris que vous aviez ouvert une enquête sur les agissements de Jean-François Copé et ses amis de la société Big Malion. Ces hommes spolient l'UMP depuis trop longtemps. Depuis son élection en novembre 2010, monsieur Copé n'a eu de cesse de tisser sa toile d'influence mafieuse en confiant tous les postes clés du parti et les contrats externes à ses proches. Messieurs Millot et Alves de la société Big Malion en sont le meilleur exemple. Leurs tarifs prohibitifs servent à détourner de l'argent pour financer la prochaine campagne de monsieur Copé. Je vous invite à interroger les salariés de la cellule communication de l'UMP qui se sont retrouvés mis au placard depuis l'arrivée de Jean-François Copé et de ses Copé Boys. Les Copé Boys, c'est le surnom ridicule qui a été donné à Lavrieux, son conseiller, Millot et Alves, les fondateurs de Big Malion. On a reçu plusieurs lettres du même tonneau, accusant même ces hommes d'être plus que de simples amis, de partager des chambres d'hôtel. Déjà que je déteste les lettres de délation, elles font rarement avancer les enquêtes, mais là, elles sont homophobes en plus. Tout ça est puant. Ok. Bon, et sur l'affaire Big Malion, on en est où ? Ça patouge. Sans perquisition, je peux pas faire grand-chose de plus. Le contrôle fiscal de Big Malion n'a rien donné. Les enquêtes sur les personnes non plus. Alors, j'ai aussi regardé du côté de la campagne de Sarkozy. Big Malion avait organisé tous les meetings. Ils ont eu des problèmes, parce qu'ils avaient dépassé le plafond des dépenses. Mais que de 300 000 euros. Rien à grande échelle. Ils ont juste payé une amende. Je crois que la situation est claire. Les adversaires de Copé essayent de le mettre hors jeu avant la prochaine présidentielle. Il n'y a rien dans le dossier. Bon, eh ben, je crois qu'on va gentiment enterrer cette affaire pour revenir à nos dossiers plus urgents. Le coup de grâce est donné par le juge des libertés qui vient de retoquer notre demande de perquisition. Parce que justement, on n'a pas assez d'éléments à ce stade. Mais comme on ne peut pas prouver le délit sans perquisition et que sans la preuve du délit, on n'a pas le droit de perquisitionner, c'est l'impasse. Heureusement, les journalistes ne font pas que nous poser des problèmes. Parfois, ils nous aident aussi. Après Le Point, il y a quelques semaines, c'est maintenant Libération qui évoque des facturations fictives pendant et après la campagne présidentielle de 2012. Cette nouvelle enquête vise des conventions organisées pour l'UMP entre janvier et juin 2012 en pleine campagne électorale. 55 événements payés 12,7 millions à la société Big Malion. On peut remercier la presse. Vous pensez que notre demande de perquisition va passer ? Oui, cette fois je vois pas comment on peut nous la refuser. On va faire les perquisitions en simultané. Les domiciles, Big Malion et l'UMP. Il va falloir du monde. On va mobiliser tous nos groupes à la sécurité publique. Vous préviendrez tout le monde au dernier moment. Je fais signer le juge et quand j'ai le papier, on se transporte le jour même. Très bien. Je vais préparer l'opération, mais je préviens personne. Vous avez une idée de quand on pourra faire ça ? On va les faire après les élections qui arrivent. Dimanche 25 mai, il y a les européennes, on va essayer de faire ça dès le lundi 26. Ok, c'est noté. Les estimations, si vous nous rejoignez, c'est bien sûr l'information de la soirée. Le Front National en tête de ces élections européennes est largement en tête, 25,1% des voix selon Ipsos Teria. Devant l'UMP, un peu au-dessus de 20, le Parti Socialiste à 14,3%. Direction de l'Office anticorruption, Nanterre, 26 mai 2014, 9h30. Écoutez, cette affaire est ridicule. Rien n'est vrai, vous n'allez quand même pas me mettre en garde à vue. Non, rassurez-vous, monsieur Copé, c'est la salle de garde à vue, mais on l'a choisie parce qu'on sera plus tranquille pour discuter. Installez-vous. Merci. Je veux bien coopérer, mais je ne vois pas grand-chose à dire. On va voir ça. On essaye de m'abattre, on multiplie les accusations et c'est toujours sur des affaires d'argent. C'est dur, mais c'est difficile de ne pas être affecté par tout ça. Ben oui, oui, je comprends. Mais du coup, vous avez une idée de qui vous voudrait du mal ? Beaucoup de gens. Je suis le chef du parti, donc de fait, l'homme à abattre. Vous savez, dans cette histoire, moi j'ai toujours été un bon soldat. J'y ai cru à l'élection de Nicolas Sarkozy. Sincèrement. Palais de l'Élysée, 5 mai 2012. Jean-François, des amis et toi, vous avez fait du bon travail. Sincèrement, c'était bien. Vous m'avez soutenu. Et ton Jérôme, il est très bien, je l'aime bien. On va le décorer. Voilà, je voulais te remercier dès maintenant, quoi qu'il arrive, pour le deuxième tour. Merci, monsieur le président. Et tu sais, Jean-François, on va la gagner, cette élection. Je le sais, je le sens. Et je tiens à te dire que c'est hors de question que je reprenne Fillon comme premier ministre. Il est cuivre, mais je l'ai jamais aimé, de toute façon. Et toi, quand je vois ce que t'as accompli ces dernières années, je me dis qu'il est temps de te confier le poste. Si on gagne dimanche, Matignon, c'est pour toi. Oh, merci, monsieur le président. Voilà, à bientôt. J'y ai cru, malgré les mauvais sondages. Aussi dingue que cela puisse paraître, j'ai tout fait pour que Nicolas Sarkozy soit réélu. Le parti a tout fait, ça se voit. On a avancé les sous de la campagne, j'étais à autant de meetings que je pouvais. Alors, quand on raconte que j'ai utilisé Big Magnon pour voler l'argent de la campagne ou escroquer le parti, ça ne passe pas. Et vous n'avez rien remarqué avec les comptes de campagne ? Ça non, je n'ai rien suivi. Mon rôle en tant que président de l'UMP, c'était surtout de préparer les élections législatives qui suivaient juste après la présidentielle. Nous avions plus de 500 candidats à investir, à préparer. Il fallait leur donner tous les outils pour faire leur campagne. Alors non, je n'ai pas eu le temps de suivre les comptes. Le candidat avait son équipe de campagne pour s'occuper de ces choses-là. Il y avait aussi votre directeur de cabinet dans l'équipe de campagne, Jérôme Lavrieux. Oui, bien sûr. Jérôme est un homme de terrain précieux. Et puis sa nomination comme directeur de campagne adjoint était aussi un signe d'apaisement envers moi de la part de Nicolas Sarkozy. Je comprends. Mais s'il est au courant de problèmes financiers pendant la campagne, vous ne pensez pas qu'il aurait dû vous en parler ? Je ne peux pas répondre à cette question. Je pense qu'il m'en aurait parlé. Non, franchement, tout cela est idiot. Ce sont des rumeurs. Merci, M. Copé. Je vous prie de nous excuser. J'ai un mot à dire à ma collègue. Le parquet nous fait savoir que l'avocat de Big Malion va faire une conférence de presse cet après-midi pour faire des révélations. On sait ce qu'il va dire ? Non. Mais apparemment, il va balancer du lourd. Et les perquises, elles sont prévues quand ? Ce soir. Merde. Bon, faut y aller maintenant. Ok, j'appelle le proc pour la signature du juge. Commence à réunir les équipes. Merde, Copé. On a fini avec lui, on va à l'UMP, on le prend avec nous. Ok. Et puis à 17h, c'est le début du feu d'artifice. L'avocat de Big Malion prend la parole devant les caméras. Et à la demande de l'UMP, la société Big Malion a été amenée à établir des factures qui ont été imputées à l'UMP alors qu'elles auraient dû l'être à l'association de financement de la campagne du candidat M. Sarkozy en 2012. Il s'agit donc bien de fausses factures. Big Malion n'est jamais intervenu dans le cadre de ces conventions. Big Malion est intervenu dans le cadre de meetings. Il a donc facturé ces meetings, mais avec un habillage qui a été fait à la demande de l'UMP. Encore une fois, Big Malion est prêt à prendre ses responsabilités, assume totalement ce qui a été fait. Cela n'a pas été fait à sa demande, bien au contraire. Big Malion était sous une contrainte économique. Soit Big Malion acceptait, soit Big Malion n'était pas payé, par voie de conséquence, n'aurait pas été en mesure de payer ses sous-traitants avec toutes les conséquences économiques que cela aurait eu. Maître Maisonneuve évalue ses factures à environ 11 millions d'euros. Ironie du sort, c'est exactement la somme pour laquelle l'UMP s'était fait retoquer par le Conseil constitutionnel l'été dernier. Le parti avait même organisé un sarcoton pour rembourser. Jusqu'à présent, Jean-François Copé dit lui tout ignoré de ses factures. Le président de l'UMP a même décidé de déposer plainte contre X. Maintenant, on va pouvoir commencer à travailler. Vous venez d'entendre 22 millions, écrit par Vincent Hazard. Une réalisation de Baptiste Guiton. Premier épisode. Avec Tiphaine Davio, Johanna Nizar, Mohamed Rouhabi, Bernard Gabet, Alain Fromager, Nadir El Arabi, Bruno Pavio, Quentin Bayot, Oscar Kopp, Florent Houlier et Maxime Pambet. Musique originale, Sébastien Quincé. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Julien Douminc, Étienne Collin. Assistante à la réalisation, Aurélie Miermont, avec l'aide de Maxime Pambet. Coordination, Christophe Barrère. Attaché de production, Rebecca de Nantes. La vie, elle... vertu. Peut-on encore imaginer de nouvelles étendues, des rivières à traverser et même des fleuves en crue? C'est pas fini, on vient à peine de commencer, c'est pas fini. Je ne me rappelle plus, est-ce qu'il y a bien pu clocher? À un moment, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'on aurait peut-être dû prendre le temps de souffler, de profiter de la vue. C'est pas fini, on vient à peine de commencer. C'est pas fini, on peut encore se retourner. C'est pas fini. La vie, elle a passé et on l'a comme pas bien vu. Les années ont filé beaucoup plus vite que prévu. C'est pas fini, on vient à peine de commencer. C'est pas fini. Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Bonjour Violette Lazare. Bonjour. Bonjour Vincent Hazard. Bonjour. Violette, vous êtes l'une des journalistes qui a révélé l'affaire Big Malion. À l'époque, vous étiez au journal Libération, vous êtes aujourd'hui au Nouvel Obs. Vous êtes également l'auteur, l'autrice, que dis-je, du livre Big Magouille, édité chez Stock en octobre 2014. Vincent Hazard, vous êtes le scénariste de la série et vous nous expliquerez comment, par la fiction, on traite le réel et comment on raconte ce scandale Big Malion, en l'occurrence. Avant de revenir sur l'actualité de ces derniers mois et du jugement du tribunal correctionnel de Paris le 30 septembre dernier et des condamnations qui ont suivi, revenons d'ailleurs essentiellement pour cette interview, presque au début, sur les éléments à la disposition de la justice et sur les mots qu'on attache à cette affaire. En presque 9 ans, elle a pris différents titres. Elle est passée de l'affaire Copé à Big Malion, à celle des comptes de campagne de 2012 de Nicolas Sarkozy. Je dis ça pour nos auditeurs, s'ils se disent « mais c'est la même affaire ». Oui, c'est la même affaire. La même. Quels sont les éléments contre Jean-François Copé, Violette Lazare, alors à la tête de l'UMP, lorsque vous débutez votre enquête? Alors, moi, quand je commence à travailler sur ce dossier, ça s'appelle pas l'affaire Big Malion, ça s'appelle vraiment l'affaire Copé. Mmh. C'est comme ça que c'est titré dans Le Point, si je me souviens bien. On est au début de l'année 2014, et le soupçon, c'est quoi? C'est Jean-François Copé a pillé les caisses de l'UMP, en gros, à l'aide de ses petits copains de la société Big Malion qui font de la com. Il les a fait travailler pour l'UMP, il les a fait surfacturer, et sur ces grosses factures, combien il a pris, on sait pas. Il y a que des point d'interrogation, mais en tout cas, la problématique, elle est posée de cette façon. Quand vous dites combien il a pris, on ne pense pas de l'enrichissement personnel. Oh, tout est possible à l'époque. Tout est possible. On parle d'une caisse noire. Mmh. Alors la caisse noire, elle sert à quoi? Elle servirait à financer une prochaine élection, une prochaine campagne, voilà, de Jean-François Copé. On pense à ça, mais il y a une telle détestation autour de Copé à cette époque, on s'en souvient pas forcément, mais quand on se remet quelques années en arrière, c'est qu'on a l'impression que tout est possible, quoi. Il a pu prendre de l'argent pour sa campagne, puis il a pu prendre un peu d'argent pour lui en même temps. Voilà, y a à pas... côté bad boy, quoi. Ouais, oui. Oui, et puis à un côté, on se serre dans la caisse, sans vergogne, alors que, enfin, je répète, il n'y a aucune preuve quand même à cette époque-là. Bien sûr. Dans le récit, nous l'avons entendu, les représentants de Big Malion parlent de dérapage dans les comptes de campagne. Un dérapage signalé. En mars 2012, Pierre Godet, l'un des experts comptables de la campagne, avait envoyé un courrier annonçant ce dépassement. Donc, Ben, ça veut dire que des gens étaient au courant, comme autant de lanceurs d'alerte potentiels au sein de la machine UMP, des gens qu'on n'aurait pas écoutés parce qu'ils dérangeaient. Alors, qui était au courant de l'existence de ces dépassements et de systèmes de double facture? Ah, alors ça, c'est une bonne question, parce que encore aujourd'hui, donc c'est presque la question d'ailleurs. C'est la question, mais c'est la question auquel j'ai l'impression, à laquelle j'ai l'impression qu'on n'aura jamais de réponse. Mmh. Même 9 ans après, là, il y a eu entre temps, donc il y a eu un procès. Toutes les personnes dont on va parler, dont on a déjà parlé, se sont retrouvées devant un tribunal et tout le monde a dit, en gros, c'est pas moi, c'est l'autre. Et ceux qu'on reconnu, on dit, je reconnais, mais je reconnais tellement peu que finalement, le plus gros, c'est pas moi qui l'ai fait. Voilà, donc qui était au courant? Des personnes à l'UMP, des personnes dans l'équipe de campagne, c'est évident. Les personnes de Big Malion, qui eux, il faut quand même le dire, sont les seuls à avoir reconnu l'intégralité de ce qu'ils ont fait. Et ce Éric Césari, parce que qui savait? Un proche de Nicolas Sarkozy, celui qu'on appelle, je crois qu'on appelait l'œil de Moscou, et qui, en escalité, savait tout peut-être. Alors, selon lui, il savait rien. Ça, c'est quand même, il faut aussi le dire, parce que c'est ce qu'il a dit au procès. Donc, selon lui, il savait rien. À l'époque, on disait, il savait tout, quoi. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Ah oui, bien sûr. Ouais. Oui, non, mais je sais, mais ça me fait rire, parce que quand il est au procès, il dit, je savais rien. L'œil de Moscou, pourquoi? Parce que c'est un très proche de Sarkozy. Donc, quand il est à l'UMP, on dit qu'il répète tout à Sarkozy. Au sein de la campagne, il est là, il fait partie de l'équipe de soutien, en fait, au sein de l'UMP pour soutenir la campagne. Et il signe toutes les dépenses, tous les bons de dépenses. Donc, ça veut dire que les 22 millions d'euros qui ont été dépensés pour les meetings de campagne de Sarkozy, une grosse partie de ces dépenses, il les a validées. Il expliquera qu'il a signé des paraffeurs comme ça, sans savoir sans ce qu'il signait. Mais ils disent tout ça, en principe. Hein. Ils disent tout ça. Ils ne coûtent pas de l'intendance. Alors, l'une des questions qui demeure est celle-ci aussi. Quand exactement le système de double facture a-t-il été mis en place? Parce que, selon le personnel accusé chez Big Malion, c'était au mois d'avril. Selon Jérôme Lavrieux, dont on va reparler, l'ancien directeur de cabinet de Jean-François Copé, c'était après le second tour de la présidentielle. On en sait plus sur ce point-là, parce qu'il est important quand même. Pareil que sur les responsabilités, on ne sait pas. Tout le monde dit quelque chose de différent. En fait, pour amoindrir leurs responsabilités, plus tard le système a été mis en place et plus ça passe pour de l'affolement et quelque chose qui n'était pas prémédité. Et si on dit qu'il a été mis en place au tout début de la campagne, c'est qu'il y a une préméditation. Donc tout le monde essaye de sauver un peu ses... Voilà. Et ne se souvient pas de ce moment où ce système de double facturation a été mis en place. C'est absolument pas plausible. Hein. Bah non. Voilà. C'est évidemment, on se souvient que de ça. Enfin, je veux dire, si on se met à leur place, ils savent très bien qu'à partir de ce moment-là, ils rentrent dans un autre monde. Ils rentrent vraiment dans un monde parallèle où soit ils se font attraper, soit s'ils se font pas attraper, ils vont passer le reste de leur carrière à se demander à quel moment ils vont se faire attraper. Donc évidemment, c'est le moment où on s'en souvient et personne ne s'en souvient. Quand bien même. La traversée ne durait qu'une nuit d'été. Nos bras gardaient les griffes des passagers sauvages. Qui nous accompagnait le long de la traversée, le long de la traversée, le long de la traversée. Quand bien même cette nuit d'été ne servait qu'une nouvelle échappée, la voilure garderait la trace et la morsure des femmes, des femmes qui nous accompagnaient le long de la le long de la traversée, le long de la traversée. même un soleil retrouvé, nos silhouettes dominaient la mer, il n'y avait dans nos yeux que tout ce qui périt face au doute, que tout ce qui périt face au doute, qui nous accompagnait le long de la traversée, le long de la traversée, le long de la traversée, le long de la traversée. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Violette Lazare, vous avez assisté au procès en juin 2021. Qu'est-ce que vous avez retenu ? Moi, ce que j'ai vu à ce procès, ça ne m'a pas beaucoup étonnée. C'est-à-dire que j'ai vu des gens qui ne reconnaissaient rien et qui, je crois qu'on peut le dire, mentaient devant l'évidence. On avait des factures, des dizaines de factures qui étaient projetées comme ça devant le tribunal correctionnel avec des signatures de gens authentifiés. Et quand ces gens-là venaient à la barre s'expliquer sur ces signatures, répondaient « je ne me l'explique pas ». Je ne comprends pas, je ne savais pas ce que je signais, et des choses encore plus drôles, quoi. Enfin voilà, donc ça a été un petit peu un défilé d'impunité peut-être, de sentiment d'impunité. Pas de sentiment d'impunité pour certains, je pense. C'est pas à moi de le dire. Les gens qui sont responsables ne le reconnaissent pas. Donc moi, qui suis un sous-fifre ou qui suis un exécutant, je vais pas le reconnaître pour eux. Et donc mon système de défense est de nier tout en bloc, alors que ça tient pas. Ça tenait pas. Voilà. Donc ça a été quand même, sauf chez Big Malion, hein, les anciens de Big Malion, eux ont reconnu ce qu'ils avaient fait à la demande de l'UMP. Donc et à la demande de l'équipe de campagne. Donc, eux ont reconnu. Il y a eu un autre moment au cours de ce procès qui a été assez étonnant. Ça a été l'interrogatoire de Nicolas Sarkozy, qui était renvoyé devant le tribunal donc pour financement illégal de campagne électorale. Tout le monde, en fait, il n'est pas venu aux autres audiences, il est venu juste le jour de son interrogatoire parce qu'il considérait qu'il avait rien à voir avec les autres. Donc pendant 3 semaines, on a parlé de la campagne de Nicolas Sarkozy, on a parlé de Nicolas Sarkozy, on a parlé de l'UMP de Nicolas Sarkozy. Lui, donc, estimait n'avoir rien à voir avec eux. Et le jour où il est arrivé, tout le monde avait donc consenti, admis que, en tout cas, ces 20, 22 millions d'euros avaient servi à financer sa campagne, donc à surfacturer sa campagne. Oui. Ça, tout le monde était d'accord là-dessus. Tout le monde disait, c'est pas moi, mais tout le monde était d'accord là-dessus. Lui arrive, comme ça, mais un peu comme un cheveu sur la soupe, parce que comme il n'était pas là aux autres débats, il arrive et il dit, bon ben je sais pas pourquoi je suis là, parce que tout ça n'a rien à voir avec moi. Bon, je vous la fais courte, mais en gros, c'était donc complètement surréaliste. Donc, il est encore aujourd'hui. Est-ce qu'il en est persuadé est-ce qu'il en est persuadé ou pas? Je ne sais pas. Je suis pas dans l'intimité de son intime conviction. Mais en tout cas, lui dit, cet argent n'a rien à voir avec ma campagne. Et c'est Big Malion qui me l'a volé, l'UMP qui me l'a volé, Copé qui me l'a volé. Alors que de ça, il n'y a absolument aucune preuve. C'est quand même le bal de menteur, hein, comme dans d'autres affaires. Comment on enquête quand on est journaliste sur ce genre de dossier ? Quels sont les empêchements, les difficultés, les obstacles, les embûches ? Ah ben c'est très compliqué. Ça paraît même au début assez impossible. Ce que j'ai pu avoir et qui m'a permis d'enquêter, ce sont des documents. Ce sont des documents qui étaient à l'époque des documents où il y avait marqué dessus « convention ». Donc c'était des événements, j'avais des factures devant les yeux, c'était des événements qui étaient censés s'être passés pendant la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, où il y avait des cafés autour de la place de la femme dans la société qui était organisée avec des militants. En tout cas, c'est ce qu'on me montrait. De réflexion, club de réflexion. Club de réflexion qui avait coûté 600 000 euros. Voilà. Donc 600 000 euros pour 3 cafés et 10 croissants. Ouais. Et on m'assurait que non, c'était des vraies factures, que ces factures existaient et que ça expliquait qu'il y avait des trous dans les comptes de l'UMP. Mais je les avais, ces factures, en fait. Parce que tout le monde me disait, non, je vous assure, c'est des vraies factures, c'est des conventions, ça n'a rien à voir avec la campagne de Nicolas Sarkozy, rien à voir avec Big Malion. Bon, sauf que c'était des factures de Big Malion. Hein, donc tout le monde essaye de, quand on commence à creuser, qu'on se balade avec sa petite liasse là de factures, qu'on essaye de faire authentifier à tout le monde, chacun essaye de vous emmener dans des directions différentes. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Donc, en fait, on devient fou, parce qu'au bout d'un moment, on se dit, bon, bah, 3 cafés, 600 000 euros, pourquoi pas, puis tout d'un côté, là, non, c'est pas possible. Donc, je continue. Bon, jusqu'au jour où il y a une personne qui va commencer à parler et qui va commencer à authentifier et qui va commencer à donner aussi des pistes d'explication. Parce que, à quoi ça a servi cet argent ? Parce que quand on va dans les comptes de campagne, à l'époque, moi je vais voir les comptes de campagne, ils sont accessibles aux journalistes. Hein. On va à la commission des comptes de campagne, à carte de presse, on fait une demande, on a accès à ces comptes de campagne de l'UMP de l'époque. Ils y sont pas, en fait, cet argent. Ça faisait à l'époque, j'avais compté 11-12 millions de conventions qui se sont révélées en fait être des fausses factures et des fausses conventions. Mais cet argent, il est où ? Voilà. Il est plus dans les caisses de l'UMP. J'ai accès aux comptes du parti, en tout cas ceux qu'on veut bien me donner. Donc, est-ce qu'il finance la campagne ? L'argent a été dépensé. Oui. Est-ce qu'il finance la campagne ? On va dans les comptes de campagne, il n'y est toujours pas. Ouais. On va voir les comptes de Big Malion dans le registre du commerce. Ah, bah ils n'ont pas déposé leurs comptes. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pas dépensé de l'argent pour aller en vacances. Oui, mais on n'a pas les comptes parce que les sociétés privées, ils sont obligés en théorie de déposer leur comptabilité, mais s'ils le font pas, en fait, ils ont pas d'amende. Donc on se retrouve avec 12 millions d'euros qui sont dans la nature et des gens qui disent fais attention quand même parce que tu dois te faire avoir, c'est des fausses factures peut-être, mais c'est des vraies factures ou alors c'est des fausses vraies factures. Bon bref, on devient complètement zinzin jusqu'au moment où on a quelqu'un qui parle et où on peut avancer. Qui parle ? Ah bah ça, on ne le dit jamais qui parle, mais il y a toujours des gens c'est qui parlent. Nom, je veux pas de nom. Qui parle ? Il y a toujours des gens qui parlent. Il y a l'intérieur. Il y a des gens qui parlent parce que ce qu'ils ont vu, ils veulent à un moment peut-être le dénoncer, ou ils ne le disent pas complètement, mais en tout cas, ils nous mettent sur la voie. Moi, j'ai personne qui m'a expliqué vraiment le système de A à Z hein, à l'époque où j'enquêtais, mais en tout cas, j'avais des gens qui me donnaient des petites pistes et qui m'emmenaient loin de Copé. Ah. Aussi. Donc c'était ça la difficulté. Je me disais aussi, est-ce qu'il y a une manipulation politique derrière ? Est-ce qu'on m'emmène loin de Copé pour aller vers Sarko pour justement dédouaner Copé ? Ou est-ce que c'est la bonne piste vers Nicolas Sarkozy ? Bon, ça se révèle être la bonne piste aujourd'hui. Ah oui. Mais vous êtes allé voir, ce sera ma dernière question, vous avez recueilli les confidences de Jérôme Lavrieux, alors très important puisqu'il était l'ancien directeur adjoint de la campagne, c'était en octobre 2015, c'est ça, Lavrieux ? Oui. Et vous en avez retiré quoi ? Alors, Jérôme Lavrieux, il a eu des explications qui ont quand même évolué. Oui, devant les juges, la position n'était pas la même. On peut au moins dire ça comme ça. Et devant les journalistes, à la veille, enfin en tout cas, moi, à la veille de la publication de mon papier, les explications de Jérôme Lavrieux n'étaient pas celles qu'il aura 10 jours plus tard, ou 20 jours plus tard, je ne sais pas, sur BFM, pour tout expliquer. Donc, disons que devant l'existence de certaines preuves qui ont été révélées, Jérôme Lavrieux a évolué dans ses explications. D'ailleurs, Jérôme Lavrieux sera jeudi prochain, le 5 mai donc, notre invité après le 6e et dernier épisode de la série. Puisque nous dévoilons un peu le découpage de la série, Vincent Hazard, vous qui l'avez écrite, cette série, comment avez-vous procédé ? Parce que une série, c'est pas un reportage, c'est pas un documentaire, c'est autre chose. C'est confronter la fiction et le réel. Oui, c'était ça le pari. Oui, tout à fait. Mais, en fait, effectivement, moi j'aborde toute cette matière qu'on trouve à la fois dans les journaux, ou le travail de Violette, voilà, je l'aborde avec le prisme du scénariste. Donc avec effectivement une grille de lecture où moi à l'arrivée je dois voir s'il y a dans cette histoire vraie le potentiel de tenir en haleine l'auditeur et de pouvoir en tirer une histoire qui puisse vraiment se transcrire sous le format particulier de la fiction. Ça veut dire qu'il faut jouer sur, peut-être qu'il y a des règles d'ailleurs, sur des rebondissements, un certain nombre de relances dans un espace-temps qui est pensé, j'imagine, pour que on relance le suspense, l'intérêt. Bah, comme dans, moi, l'intérêt. Comme dans tout métier, il y a des recettes. Il y a des recettes. Non, mais c'est intéressant pour l'auditeur de savoir ça. Bah, c'est une question de formatage en épisode avec des rebondissements, effectivement. Et puis là, en l'occurrence, la particularité de cette histoire, c'est quand même, là on vient de le voir, c'est que c'est quand même très complexe, avec des discours qui s'opposent encore aujourd'hui après un procès qui est en appel, quelque chose de très particulier où on a finalement peu d'aveux, c'est compliqué pour un scénariste qui aime bien avoir une vérité à dérouler, de raconter cette histoire. Alors à ce moment-là, on se pose la question de savoir finalement qu'est-ce qui est intéressant dans cette histoire. Est-ce que et comment la raconter, c'est-à-dire être clair sur le déroulé scénaristique, comprendre ces histoires de fausses factures, de vraies fausses factures, etc. Essayer de le rendre le plus clair possible sans être trop didactique, parce que c'est là où on peut vite être ennuyé. Et en même temps, c'était un challenge que j'ai trouvé vraiment intéressant, parce que je pense que c'est particulièrement l'affaire Big Malion. Il y a effectivement ça se déroule sur 7 ou 8 ans, les gens peuvent vraiment, enfin sur 7 ans, hein, 2012 jusqu'à 2021 finalement pour le procès, on est sur 9 ans. Les gens au bout d'un moment ils voient des articles mais ils sont un peu perdus. Moi ça me paraissait pertinent de faire quelque chose qui soit une espèce de résumé de cette affaire temporellement, pour que les gens se fassent un petit peu une idée aussi de tout ce qui s'est passé dans ce temps-là. D'où le choix de la série d'ailleurs. Vous avez rencontré des personnes ou vous avez travaillé que sur à partir du travail de Violette ou des documents, est-ce que vous avez rencontré des personnes? Alors oui, première étape, je vous disais, c'est déjà essayer de voir s'il y a matière à faire une fiction, sur le format de fiction. Une fois qu'on se dit, bon voilà, on a trouvé les choses qui sont intéressantes, les rebondissements potentiels et comment structurer, il faut ensuite aller soi-même, je dirais, plus pas pour refaire le travail du journaliste, mais pour comprendre soi-même parfois la psychologie des gens. Ah bah voilà, j'y arrive, je précise ma question en fait. Vous avez après un casting de comédien à faire. Ah oui. Bon, enfin, j'ai pas c'est le réalisateur qui s'en occupe. Le réalisateur, pardon. Ouais. Il y a un casting de comédiens, mais c'est intéressant d'avoir rencontré les personnes pour voir quelles intentions elles véhiculent, ces personnes. C'est... Et comment elles véhiculent ces intentions pour que ça soit traduit par le comédien, c'est ça? Exactement. Et puis même pour structurer l'histoire. L'idée, c'est de comprendre aussi l'aspect du pourquoi, la psychologie aussi des gens qui étaient partie prenante dans cette affaire. Et de comprendre. Et ensuite, moi, mon rôle, évidemment, c'est de transmettre ça au réalisateur qui, lui, va choisir les comédiens et eux, ensuite, vont s'emparer de cette histoire. Merci Vincent Hazard. Merci également Violette Lazare. Merci. Au revoir et... Je renvoie évidemment à les auditeurs à l'écoute des prochains épisodes de cette série sur Big Malion. Crush satellites down.